professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. Chio, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Quelle est la nature de la rébellion grecque au début des années 1820, demande l'historien Edem Eldem. Qu'est-ce qui se joue pour l'Empire ottoman au tournant de ces années-là? Comment ce mouvement insurrectionnel se transforme-t-il en guerre d'indépendance? Comment les Ottomans, après les représailles envers les Grecs et après la condamnation des massacres par l'opinion publique européenne, ont-ils compris qu'ils ne pouvaient plus échapper à la diplomatie occidentale? Vous aurez peut-être reconnu à l'instant les premiers vers du poème engagé de Victor Hugo intitulé « L'enfant », extrait du recueil « Les Orientales », une lecture de René Alexandre, sociétaire de la Comédie française. Alors comment les Ottomans ont-ils dû rendre compte du massacre de l'île de Kio en 1822, dénoncé par Victor Hugo plus tard ? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'université du Bosphore, Edem Eldem a enseigné aussi bien aux États-Unis qu'en France et il est l'auteur de travaux sur le commerce du Levant, l'épigraphie funéraire, la banque ottomane, les dynamiques de l'occidentalisation, Istanbul au tournant du XXe siècle, l'orientalisme, mais aussi l'histoire de l'archéologie et des collections dans l'Empire ottoman, comme cela apparaîtra aujourd'hui. C'est riche de cette approche variée et attachée aux méthodes de l'analyse documentaire qui nous entraîne dans une histoire complexe dans le cadre de sa série intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Marc Semo a consacré un stimulant portrait à Edem Eldem, fils de diplomate, dans le journal Le Monde au moment de ses premiers cours. Le journaliste rappelle sa vocation tardive pour l'histoire dans un contexte familial qui aurait pu susciter plus tôt son engagement, et je le cite. Côté paternel, son arrière-grand-oncle Osman Hamdi Bey, fils d'un grand vizir, fondateur du musée archéologique d'Istanbul et peintre de talent, incarnait à la perfection le regard orientaliste hérité de l'Occident que les élites ottomanes portaient sur leur propre monde. Côté maternel, il est apparenté à l'ex-dynastie impériale. Si ses premiers livres ont été consacrés aux échanges économiques des Ottomans avec l'Occident ou au rituel de la mort, rappelle Marc Semo, Edem Eldem n'en est pas moins un intellectuel engagé dans la cité. Le thème de ses leçons hebdomadaires au Collège de France, dont la première a eu lieu le 12 janvier, est ambitieux. La modernisation ottomane et ses relations intrinsèques avec l'histoire de l'Europe, malgré les conflits, ou justement à cause d'eux. Pour Edem Eldem, en effet, il est toujours plus stimulant de parler des antagonismes, des tensions, des différences. L'histoire ottomane, déclare-t-il, est un sujet bien trop important pour être réduit à un glorieux prélude au récit simpliste de l'histoire de la nation turque. Et c'est dans cet esprit qu'Edem Eldem notait dans son cours d'introduction « S'il est évident que ce cours au Collège de France portera surtout sur une interaction avec l'Occident, il importe de se souvenir que les transformations de cette période ne peuvent et ne doivent pas être réduites à une logique aussi simpliste et univoque. » Ainsi que je le rappelais à la fin de ma leçon inaugurale, l'objectif de l'historien, plus que de répondre à des questions, est d'en poser de bonnes, capables de révéler la complexité et les ambiguïtés du récit historique. Edem Eldem soulignait également dans sa présentation vidéo, et je le cite à nouveau, que le XIXe siècle est extrêmement formateur et crucial pour comprendre les dynamiques de transformation d'un empire en état-nation. Un processus fascinant qui mérite d'être étudié dans le détail en donnant la primauté aux voix locales. Parce que l'un des problèmes de l'historiographie de cette période, c'est que l'on a énormément de sources occidentales qui ont déjà une vision assez biaisée des choses et par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est essayer de donner une voix aux textes locaux, aux textes ottomans, pas uniquement turcs, grec, arménien, essayez de voir comment cette période se forme et s'exprime à partir d'une documentation que l'on va lire dans le détail pour essayer de comprendre un peu comment ça marche. C'est aussi une histoire à suivre, comme nous le verrons à l'issue de ce cours. Le cours précédent avait rappelé comment la destruction des janissaires avait eu lieu en plein milieu du long conflit qui a opposé l'État aux insurgés grecs de 1821 à la constitution d'un État grec indépendant en 1830. Alors qu'est-ce que cette rébellion grecque? Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 16 février 2018 pour le cours d'Edem Eldem, aujourd'hui, les défis du nouvel ordre, partie 2. Venons-en donc à cette rébellion grecque, à cette guerre d'indépendance. Encore une fois, je n'ai pas de mal, et ça c'est quelque chose que je fais quand j'enseigne en Turquie, j'insiste bien sur le fait que le même événement peut être nommé de manière très différente. C'est un peu Rashomon, si vous voulez. Chacun a sa version de la chose, et c'est vrai qu'une rébellion, à la fin, deviendra une guerre d'indépendance, mais qu'elle n'est pas guerre d'indépendance au début et qu'à la fin, la rébellion n'en est plus une. C'est le tout, justement, de la vérité historique et de voir que ce qui commence comme une rébellion va devenir, au fur et à mesure, et contre le gré de bien des participants, une guerre d'indépendance qui dépasse de beaucoup les normes culturelles et les connaissances culturelles de bien de ses participants. Mais c'est un événement, en tout cas, qui est fondateur d'une certaine transformation des mentalités ottomanes face à l'Europe. Ce que je vous donne ici, c'est le frontispice du célèbre ouvrage du marquis de Choiseul-Gouffier, qui a été ambassadeur à la porte ottomane et avant cela a été, comme tout aristocrate français, a été un grand voyageur. Et un grand voyageur, bien sûr, du grand tour. C'est-à-dire qu'il a fait un voyage de la Grèce et de l'Anatolie à la recherche des vestiges de cette civilisation grecque que les Lumières aimaient tellement mettre en exergue. Et le frontispice donc de son voyage pittoresque de la Grèce, le XVIIIe siècle, c'est aussi l'invention du pittoresque. Et le pittoresque n'est pas forcément exotique. Vous avez des voyages pittoresques de la Suisse, par exemple, qu'ils ont publié dans les années 1750. C'est l'idée du pittoresque qui, elle, est nouvelle et qui s'accompagne de publications luxueuses, très bien illustrées. Donc le volume de Choiseul-Gouffier s'ouvre avec ce frontispice, et lorsque vous regardez le détail de cette image, vous comprenez tout de suite le symbolisme un peu lourd qui se cache derrière ceci. Alors vous avez déjà un temple, vous avez des sarcophages, vous avez des urnes, vous avez des guirlandes, vous avez des stèles, et vous avez bien sûr une femme en costume oriental, enchaîné, implorant dans une pose d'imploration. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la Grèce, bien sûr, qui se lamente sur son sort de captive. C'est évident, c'est le début, si vous voulez, du philhellénisme. Le philhellénisme qui devient, au XVIIIe siècle, déjà à la fin du XVIIIe siècle, une idéologie qui s'empare des esprits occidentaux, parmi les intellectuels, parmi l'élite intellectuelle, mais qui commence à transpirer vers des couches sociales un peu moins intellectuelles. L'idée que la Grèce est le berceau de la civilisation et que cette Grèce est aujourd'hui en captivité, enchaînée, esclave de la barbarie, du despotisme de ces Turcs, de ces Ottomans qui ne sont pas européens, qui sont des nouveaux venus dans cette géographie du Moyen-Orient et de l'Europe orientale. Voilà le thème qui caractérise ce philhellénisme qui va être si puissant derrière le soutien donné aux rebelles grecs pendant les années 1820. Alors, bien sûr, la rébellion en elle-même est d'abord assez innocente. En 1821, lorsque la rébellion commence en Morée, ça n'est pas un événement extraordinairement important, puisqu'il y a déjà eu une rébellion en Morée dans les années 1770. Le discours idéologique n'est pas encore très net, très clair. On est encore dans une phase embryonnaire de cette rébellion qui n'a pas encore acquis la visibilité qu'elle acquérera dans les années 1822-23. Alors, un tournant très important, c'est bien sûr 1822, les massacres de Kyo, de Sio ou de Kyo, les massacres de l'île de Kyo, juste en vis-à-vis de la péninsule de Tchechmé, près de Smyrne, en Anatolie occidentale, une île très riche, dont la production la plus importante est le mastic de Kyo, qui va parfumer la gomme que mâchent les... Alors ça, c'est la légende, mais c'est un peu vrai, comme toutes les légendes, que mâchent les belles dames du harem du grand seigneur. C'est cette gomme du lentisque, un arbre dont la sève se fige et devient une sorte de chewing-gum. C'est un apanage de la Valide Sultane, c'est-à-dire de la reine-mère. C'est elle qui recueille les produits de la culture du lentisque, mais aussi de l'olivier dans cette île. C'est une île extrêmement riche. Et c'est une île qui est aussi riche parce que sa population a un lien encore très marqué avec la domination génoise jusqu'au XVIe siècle. Une bonne partie de la population est catholique. C'est une de ces îles de l'archipel de la mer Égée dont la population est majoritairement, surtout les riches, catholiques. C'est le cas de Syrah, c'est le cas de quelques îles dans la mer Égée. Et c'est une île dont, justement, l'élite est très fortement représentée dans le commerce international, mais aussi à Istanbul même. C'est-à-dire que tout la bourgeoisie de l'île de Kyo est très présente dans les réseaux grecs de Constantinople qui gravitent autour du patriarcat et autour des phanariotes, cette aristocratie grecque de la capitale ottomane. Donc Kyo n'est pas n'importe quelle île. Et Kyo est une des îles qui, malgré elle, car elle n'a pas le profil d'une île rebelle, puisque, en fait, les intérêts locaux sont beaucoup plus fortement ancrés vers une conservation du statu quo que les risques de la rébellion. Mais elle est entraînée dans la rébellion par les îles avoisinantes, notamment Samos et Psara, qui force la population à s'emparer du château de la garnison ottomane. C'est donc une rébellion qui est vite matée par une intervention très musclée de la flotte ottomane. Le résultat est ce fameux massacre de Kyo. On ne connaît pas exactement les chiffres, il n'y a pas de source démographique qui nous permette de juger de l'ampleur du phénomène, mais en gros, on considère généralement que sur une population de 80 000 âmes, probablement une vingtaine de milliers ont survécu. Donc c'est quand même un massacre de taille. Et un massacre qui est extrêmement puissant dans la mémoire grecque hellénique dans la constitution d'une martyrologie nationale grecque. C'est un des éléments fondateurs, comme dans tous les nationalismes, la victimisation a une part très importante. Donc c'est le premier calvaire, en quelque sorte, de la nation grecque auquel elle est confrontée en 1822. Mais c'est aussi, du point de vue de la des arts et des lettres en Occident, c'est le premier événement qui aura des répercussions extrêmement importantes en Occident du fait de la diffusion de l'image de ces massacres, image dans tous les sens du terme, ce sont des textes comme des images, mais bien sûr l'image la plus célèbre est celle de Delacroix, les massacres de Chios qu'il a peint en 1824, donc 2 ans après les massacres. Ce n'est pas un reportage entre guillemets immédiat, c'est quelque chose qu'il a présenté pour le salon de 1824, mais c'est quelque chose qui marquera les esprits dans justement la constitution de l'image de la violence, de la barbarie, de la cruauté des Ottomans face à cette pauvre population opprimée et innocente des Grecs. Bien sûr, Victor Hugo y participera lui aussi. L'enfant est un poème qui est bien plus tardif, 1829, mais qui lui aussi reprend la même idée du massacre des innocents perpétré contre la population grecque. Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. Chio, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil. Chio, qu'ombrageaient les charmilles. Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois, ses coteaux, ses palais. Et le soir, quelquefois, un cœur dansant de jeune fille. Tout est désert. Mais non, seul près des murs noircis, un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis, courbait sa tête humiliée. Il avait pour asile, il avait pour appui, une blanche aubépine, une fleur, comme lui dans le grand ravage oublié. Que veux-tu, bel enfant? Que faut-il te donner pour rattacher gaiement et gaiement ramener en boucle sur ta blanche épaule ces cheveux qui du fer n'ont pas subi l'affront et qui pleurent tes parts autour de ton beau front comme les feuilles sur le saule? Veux-tu pour me sourire un bel oiseau des bois qui chante avec un chant plus doux que le hautbois, plus éclatant que les cymbales? Que veux-tu, fleur, beau fruit ou l'oiseau merveilleux? Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles. Lorsque l'on regarde la documentation ottomane et la manière dont ce massacre est géré, on voit qu'il y a 3 registres. C'est intéressant à voir. Voici un texte qui est un rapport du gouverneur de l'île où il fait état de ses dernières actions sur l'île. Étant donné qu'aucun musulman n'a montré le moindre intérêt pour les têtes sans valeur, des méprisables infidèles dont les corps souillés par le vice ont été raclés de la surface de ce monde par l'épée de la vengeance et dont les vies ont été enlevées par les griffes des champions de l'islam, c'est poétique. Nous avons confié à notre messager une cargaison de têtes et d'oreilles prises sur ceux de ces infidèles qui étaient célèbres et de quelque notoriété. Il dépend de la bonne volonté et de la bonté de votre caractère que dès qu'elles arrivent, avec l'aide de Dieu, elles soient remises à la sublime porte afin qu'on les fasse rouler sur le champ de l'exemple. Bon. toute cette rhétorique poétique, en fait, relate quelque chose qui est malheureusement très vrai, le fait que les trophées font partie de la manière dont on gère la guerre et surtout les rébellions à l'époque. C'est-à-dire, de la même manière que la tête du pauvre Halet Efendi, je vous en avais parlé il y a quelque temps, avait été tranchée, puis envoyée à Constantinople comme preuve de l'exécution de l'ordre impérial, les gouverneurs chargés de mater la rébellion grecque doivent renvoyer leur tribu, en quelque sorte, de tête et d'oreille de ces preuves tangibles de la réussite de leur répression contre ces rebelles. Alors ça, c'est le registre officiel. Et vous voyez que, en gros, il repose sur le devoir accompli et sur la vision presque déshumanisée des rebelles comme étant des infidèles, des mécréants, qui ont eu tort, bien sûr, de s'insurger contre l'autorité du sultan et qui, par conséquent, sont en train de payer le prix de leur révolte. Vous avez quand même un second registre, puisque, encore une fois, un massacre impérial, un massacre à l'ancienne, n'est pas un génocide. C'est-à-dire que c'est un massacre pratique, c'est un massacre dont l'objet est de faire l'exemple, ainsi que le disait le texte précédent, c'est-à-dire que après une insurrection, on mate cette insurrection par un massacre. En général, d'ailleurs, on épargne les femmes et les enfants parce que on va les mener en captivité, les recycler dans le système d'esclavage qui existe. Mais une fois que l'objectif est atteint, on s'arrête. On ne poursuit pas le massacre. Bon, bien sûr, une île de 80 000, dont 60 000 ont déjà disparu, il n'y a pas de quoi continuer. Mais en gros, la logique est quand même de ne pas priver l'Empire de ses ressources, parce que c'est comme ça qu'un empire fonctionne. Un empire ne va jamais se tirer une balle dans le pied en éliminant, en plus, les sujets qui payent le plus d'impôts. L'avantage, si vous voulez, des populations non musulmanes, c'est pas par écuménisme ou par passion du multiculturalisme que les Ottomans conservent des populations non musulmanes. C'est simplement parce que, d'abord, ils ne croient pas en la conversion. La conversion forcée ne fait pas partie du registre de l'islam et des Ottomans en particulier. Mais, en plus, un Ottoman non musulman paie des impôts, tandis qu'un Ottoman musulman en paye beaucoup moins ou parfois n'en paye pas du tout. Donc, une population de producteurs qui sont imposés est quelque chose d'utile pour la survie, en plus, dans une île comme Kio, dont l'agriculture et dont la production est précieuse pour le système, on ne va pas se débarrasser complètement de cette population. Et par conséquent, vous avez un second discours qui est celui de la pacification. Il a été impossible de contrôler et de contenir nos troupes qui se rendent par bandes dans les villages et y font peser l'oppression dans le seul but d'amasser des richesses, des biens et des enfants. La reconnaissance, en quelque sorte, par l'État, que le manque d'organisation de l'armée et le fait qu'on a souvent recours à des irréguliers, les fameux bashibozouk du capitaine Haddock. Bashibozouk, en turc, veut dire tout simplement ceux qui n'ont pas de tête ou ceux qui sont désorganisés. Donc bashibozouk, ce sont les troupes irrégulières qui viennent alimenter l'armée en temps de crise. Et dans le cas de Kyo, puisque l'insurrection a été très rapide, c'est à ces gens-là que l'Empire a eu recours pour essayer de mater immédiatement cette insurrection et libérer la garnison. Par conséquent, ils sont conscients du problème du manque de contrôle de l'armée, quelque chose qui va aussi dans le sens de la nécessité d'avoir une armée moderne, et par conséquent, le pillage qui caractérise le côté prédateur, si vous voulez, de ces troupes irrégulières. Et enfin, vous avez un troisième discours, et c'est le plus intéressant dans le contexte de ce cours, c'est celui des Ottomans qui doivent rendre compte de ces massacres auprès de diplomates, d'agents, de politiciens occidentaux. Ceci est tiré d'une entrevue de l'internonce, c'est ce qu'on appelle un ambassadeur du Saint-Empire romain germanique, donc autrichien à Constantinople, avec le capitaine Pacha, le grand amiral Husrev Pacha. Voici ce que lui dit Husrev Pacha au sujet des massacres de Kiev. « Personne, dit-il, ne connaît mieux que moi le tort irréparable que nous nous sommes fait par la catastrophe de Kiev. » Il appelle ça une catastrophe. « Ceux qui en sont les auteurs seront responsables à Dieu et à notre souverain du sang innocent, un discours totalement différent, qui a été versé inutilement dans cette occasion. Je vous prie de croire que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour amener les insurgés grecs par les voies de la douceur et de la persuasion, et quand même leur obstination à refuser les offres du pardon m'obligerait à user de moyens coercitifs, le glaive de la justice ne frappera que les coupables pris les armes à la main, car je ne saurais oublier que tout individu, même le coupable immolé à notre juste ressentiment, est une perte pour l'Empire. Je sais que les yeux de l'Europe sont fixés sur nous, mais il conviendrait qu'on nous tînt compte aussi des cruautés inouïes exercées par les rebelles contre des musulmans paisibles, égorgés de sang-froid, et du massacre des milliers de femmes et d'enfants turcs, horreurs qui ont excité dans la nation un esprit de vengeance difficile à retenir dans les justes bornes. » Alors, c'est un discours très intéressant. Nous n'avons pas de version turque de ce texte, c'est un entretien avec un diplomate occidental, mais on voit bien que le capitaine Pacha, ce grand amiral qui sera souvent grand vizir dans les années à venir, a pris conscience du fait qu'il y a une politique occidentale à laquelle il faut satisfaire, et que par conséquent, la gestion des massacres, la gestion des rébellions à l'ancienne n'est plus possible. Et que par conséquent, il faut développer une rhétorique de défense, afin d'expliquer d'abord que la rébellion en elle-même est violente et qu'elle s'en est prise, et c'est vrai, à des populations civiles musulmanes, notamment dans la Morée. Et deuxièmement, qu'ils sont parfaitement conscients qu'il ne faut pas massacrer sans offrir le pardon, le aman, et que par conséquent, il faut gérer quelque chose qui risque de leur retomber dessus du fait de la réception extrêmement négative en Occident. Il faut aussi se rendre compte, voici une carte de la mer Égée, et à partir d'un document que j'ai déniché aux archives, encore une fois, diplomatiques à la Courneuve, voici le nombre d'îles insurgées. En rouge, vous avez les îles insurgées, en jaune, les îles insurgées qui ont été matées, et en vert, les îles qui n'ont pas bougé. Ça vous donne quand même une idée assez nette de la manière dont les Ottomans se sentent en quelque sorte assiégés, à part les quelques îles qui entourent les détroits. Ils sont incapables de maintenir l'ordre dans une myriade d'îles dans la mer Égée. Donc c'est quelque chose qui dépasse de beaucoup le genre de rébellion à laquelle ils sont plus ou moins habitués. C'est une guerre, et c'est quelque chose qu'il va falloir combattre comme une guerre. Et c'est pourquoi l'événement marquant qui suit le massacre de Kiev, l'événement marquant qui décidera probablement de la prise de position de l'opinion publique et des gouvernements en Occident, c'est la prise de Missolonghi. Encore une fois, avec une image d'Épinal grec un peu plus tardive des années 1830, une représentation du siège de Missolonghi en Grèce occidentale. Le siège par les troupes ottomanes, c'est un siège qui sera extrêmement violent, et lorsque vous voyez les rapports, encore une fois, issus de la diplomatie française, vous voyez encore une fois le leitmotiv des têtes coupées réapparaître. Le carnage fut terrible, mais les Grecs devaient succomber. Le canon les foudroyait, les souliotes jetèrent leurs armes, mais au milieu de cette scène de confusion et de sang, la rage des vainqueurs ne put être contenue tout à coup. Tous ceux qui portaient des armes, tous ceux qui, dans la ville, se trouvaient d'individus mâles au-dessus de 12 ans, périt. Il n'y eut d'épargné que 5 à 6 000 femmes et enfants tombés en esclavage. Ibrahim Pacha, l'Égyptien, a gémi amèrement sur cette impossibilité où il s'est vu de prévenir d'abord et d'arrêter ensuite l'effusion de sang. Il est arrivé dans cette capitale depuis 3 jours, 50 sacs remplis de têtes et d'oreilles, venant de Missolonghi avec quelques drapeaux. Et le document ottoman, beaucoup plus laconique, environné par l'armée musulmane, tous les insurgés ont été passés au fil de l'épée, les enfants ont été réduits en esclavage, 5498 oreilles, alors j'aime bien la précision, ont été envoyés par leurs excellences Ibrahim Pacha et Régid Pacha. Sont-ce des oreilles ou des paires d'oreilles? Je ne sais pas. Enfin, 5498. Bon. Mais encore une fois, vous voyez une répétition des mêmes thèmes, le thème de la violence, le thème de l'exemple, de la répression, mais aussi le thème du regret, le thème de l'incapacité à contrôler un événement qui, tout d'un coup, devient tout simplement incontrôlable. Alors, bien sûr, Missolonghi, c'est aussi Lord Byron. Pour expliquer la visibilité de Missolonghi en Europe, il faut savoir que Lord Byron y est mort en héros. En fait, il est mort de la malaria 2 ans avant la chute de Missolonghi. Mais il est quand même mort à Missolonghi, en héros, puisque il avait pris la défense de la cause grecque. Et ça aussi, ça a énormément contribué à la constitution d'une image de la victimisation du martyr de la Grèce. Et bien sûr, de la croix, et cette fois-ci, l'année même, c'est-à-dire en 1826, va peindre la souffrance de la Grèce avec cette Grèce sur les cendres ou sur les débris de Missolonghi, une peinture extrêmement forte qui, encore une fois, prend le thème de cette Grèce vaincue et martyrisée par la barbarie occidentale. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Edem Eldem dans le cadre de sa série « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Aujourd'hui, les défis du Nouvel Ordre, partie 2. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les puissances occidentales gèrent cette situation assez épouvantable. Ils sont partagés entre le désir de maintenir un certain ordre et en gros de suivre les conseils du Congrès de Vienne, de ne pas intervenir, mais d'un autre côté, ils sont parfaitement conscients que non seulement les Grecs sont en train de combattre une guerre qui devient de plus en plus visible et de plus en plus légitime aux yeux du public occidental, mais en plus ils sont accompagnés de volontaires, un peu comme la guerre d'Espagne en 36-39. Vous avez des régiments entiers d'occidentaux, d'allemands, de français, d'anglais, qui vont se joindre aux insurgés grecs pour combattre face aux Ottomans. Les gouvernements occidentaux sont donc partagés. Et il est intéressant de voir qu'ils sont aussi très inquiets pour quelque chose qui les intéresse depuis quelque temps, les antiquités en Grèce. Puisque je vous avais montré l'image du siège de l'Acropole, l'Acropole bombardée par les Ottomans, c'est quelque chose qui leur fait craindre le pire, c'est-à-dire la destruction de l'héritage, du patrimoine de cette Grèce fondatrice de l'identité de la culture européenne. Et voici le détail de la signature, vous reconnaîtrez la signature et le sceau en turc, de Stratford Canning, donc Stratford Canning, l'ambassadeur britannique à Constantinople, qui écrit une lettre à Reshid Pacha, le commandant en chef des troupes ottomanes. Une lettre qui est extrêmement intéressante par sa naïveté et sa manière de gérer un peu, d'apprendre à cet Ottoman à respecter les ruines d'autrui. Alors, on lit, je traduis donc du turc. Il est connu de tous qu'il se trouve dans la citadelle d'Athènes et dans ses environs les restes d'un grand nombre de bâtiments anciens, et bien que ces vestiges soient de bien peu d'importance du point de vue de la raison et de la religion, donc on les rassure, ça n'a rien à voir avec l'idéologie, et qu'il n'ait guère de rapport avec les affaires de l'État, donc encore une fois, ça n'est pas politique, donc ça n'est pas pour vous. Ce sont des objets d'une beauté extraordinaire, et comme ils ont été bâtis avec le plus grand talent dans l'art et la science du bâtiment et de la construction, ils sont devenus de véritables modèles pour le monde entier. Par conséquent, comme ces vestiges ont été conservés par les souverains de la maison d'Osman afin d'être utiles aux visiteurs, effectivement, les souverains ottomans ne pensent qu'à ça, n'est-ce pas, rendre le touriste heureux dans l'Empire, il est bien connu que les États et nations d'Europe, amis de l'État sublime, désirent que ces bâtiments, qui sont la preuve de la gloire et de la grandeur des largesses de ces souverains, donc on les flatte, soient conservés tels qu'ils se dressent aujourd'hui. La raison en est qu'ils servent d'exemples pour des bâtiments et édifices que la plupart des décorations, des plus beaux bâtiments dans les capitales de l'Europe, les ont pris pour modèle. Alors, si vous vous posiez des questions sur l'émergence du néoclassicisme en architecture à Londres et à Paris, vous avez la réponse ici. C'est effectivement quelque chose qui est assez typique des années 1820. Ensuite, on explique le risque de la soldatesque, puisque parmi les soldats de quelques pays ou religions qu'ils soient, les plus ordinaires ne savent guère comment apprécier la valeur de ces choses. Bien que la plupart du temps, en raison des opérations militaires, ces objets qui ont été créés avec art et ont causé tant d'admiration aient été détruits, ce sont les officiers qui tiennent les rênes des soldats. Donc, à bon entendeur, salut, c'est à vous de retenir vos soldats, de commettre un massacre, cette fois-ci de pierres et de monuments. Il y a quelques années, alors cet exemple, je le trouve absolument ravissant, à un moment où les armées des souverains alliés, alors sachant que les Ottomans, et nous en avons eu la preuve, ne connaissent pas leur histoire de France ou leur histoire d'Europe, on leur mâche un peu la pilule. Des souverains alliés s'emparèrent de la capitale du pays de France. Ils trouvèrent au centre de la ville une colonne qui avait été faite du bronze des canons pris aux Autrichiens. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la colonne Vendôme, bien sûr, pendant les campagnes précédentes, et qui avait été érigée pour célébrer les calamités qui s'étaient abattues sur l'État d'Autriche. Lorsque l'empereur d'Autriche vit cette colonne, il reconnut qu'elle avait été faite avec goût et talent, et il interdit qu'on y touche, la laissant ainsi qu'il l'avait trouvée. Alors là, vous avez un exemple en plus pour les Ottomans. Ne touchez pas aux objets. Et vous avez l'exemple de cet empereur d'Autriche qui a admiré la beauté d'une colonne, la colonne Vendôme, érigée sur ses propres malheurs. Alors, bien sûr, les Ottomans sont moins niais qu'il n'y paraît. Et la réponse de Reshid Pacha à cet ambassadeur, je trouve, est assez intéressante. Voici un passage qui vous en dira l'essentiel. Peu reconnaissant des nombreuses bontés et faveurs du sultanat impérial, la nation grecque, brandissant l'étendard de la révolte pendant de si nombreuses années, nous a désormais déclaré la guerre, et bien qu'il s'agirait de bien peu de choses pour moi que de détruire et anéantir les assiégés d'Athènes, la grande compassion et la bonté de l'État sublime pour les démunis fait que, malgré tous leurs méfaits, ils se verront proposer le pardon et la clémence. Cependant, comme les Grecs manquent d'intelligence et de compréhension, en se retranchant dans un lieu d'une telle beauté artistique, alors il lui renvoie la balle, et ça je trouve que c'est pas mal, ils finiront par causer, excusez-moi, leur propre destruction en même temps que celle de tous ces beaux objets. Donc, la solution préconisée par Reshid Pasha n'est pas si bête que ça. Si vous tenez tellement aux pierres du Parthénon, demandez aux Grecs qui s'y réfugient d'en sortir et de laisser. Et une lettre que le même Pacha écrit au sultan, au palais, explique un peu mieux sa pensée profonde. Comme la citadelle d'Athènes est admirée par les Grecs infidèles et par les Francs, ils ont tous promis de lui sacrifier leur vie, ainsi que votre serviteur a réussi à le vérifier par les rapports d'espions que j'ai expédiés vers les places tenues par les rebelles. L'amiral de Rigny, c'est un amiral français qui est en patrouille dans la mer Égée et qui arrive à Athènes ou au Pirée juste à ce moment, m'a transmis une lettre de son ambassadeur demandant que, comme la citadelle d'Athènes était un lieu très ancien, plein d'anciens monuments, il ne fallait pas la détruire. Bon, cet amiral a aussi proposé verbalement de donner de grosses sommes d'argent afin de retirer de la citadelle et des environs des pierres qui se trouvaient dans les anciens monastères, lire « temple ». Il lui fut répondu que, grâce à sa majesté le maître du monde, l'argent ne manquait guère. Alors, ce qui est amusant ici, c'est bien sûr que, en fait, il crevait la faim. L'armée ottomane était dans une situation assez désespérée, manque de fonds, manque d'équipement, etc. Mais il refuse, bien sûr, parce que c'est la noblesse en quelque sorte d'un ottoman. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir l'amiral de Rigny voulant probablement régler les comptes avec Lord Elgin, c'est-à-dire que la jalousie de la France depuis les marbres d'Elgin récupérés par le musée britannique, par le British Museum, n'a pas vraiment été compensé par la découverte de la statue, la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, comparée aux frises du Parthénon, ça n'est pas grand-chose. Donc on comprend que Rigny avait l'intention d'embarquer, si possible, et sans laisser de traces, communiquer verbalement, embarquer des antiquités de Grèce pour le Louvre. Donc chaque fois que je vois des collègues grecs qui reprochent aux Anglais de les avoir spoliés, je leur rappelle que les Ottomans ont défendu, en tout cas une seconde fois, les marbres du Parthénon contre les spoliations françaises. Lorsque l'on monte à l'Acropole, il est imprudent de s'engager à en descendre à une heure précise. L'extraordinaire beauté qui se dégage de l'ensemble des profilés du Parthénon, de l'Érechtheion et du temple d'Athéna est telle que le temps perd pratiquement toute importance. Seul importe la manière dont le soleil tourne autour des pierres. Dans le soir qui descend, notre touriste, inconscient du temps qui passe, se laisse prendre au charme incomparable de l'Érechtheion et de ses cariatides. Mais là, ce qui compte vraiment, c'est de voir que, et c'est ça qui est intéressant du point de vue des mentalités, les Ottomans commencent à comprendre que l'Europe fonctionne sur des symboles extrêmement puissants, et que la Grèce, ça n'est pas simplement une région insurgée, c'est quelque chose à quoi les nations européennes et le public européen attachent énormément d'importance. Et qu'Athènes est au centre de ses préoccupations. Qu'Athènes est une sorte de symbole. Athènes n'est pas seulement un petit village pratiquement de l'Attique. C'est un récipient de toutes ces passions, de toutes ces obsessions de l'Europe. Et ainsi explique-t-il à ses collègues à Istanbul, comme la citadelle d'Athènes est fort ancienne et contient de nombreux monuments, comme bien des philosophes en sont issus, elle remplit d'admiration les sages parmi les Francs. Et toutes les nations infidèles, connues sous le nom de Nazaréens, la vénèrent comme un lieu saint et la considèrent comme leur propriété. C'est pourquoi ils ont conspiré, promettant de se soutenir les uns les autres et de s'évertuer à ce qu'elle ne passe jamais entre les mains des mécréants. Les mécréants, c'est eux. Les mécréants, c'est les musulmans. Donc, on voit bien que, à force de s'entendre dire, un peu comme Halet Efendi, à force de s'entendre dire que Athènes est la ville des philosophes, Athènes est... Il commence à gober ce discours, à se l'approprier, et à l'utiliser comme preuve de la compréhension qu'ils ont acquise des motivations profondes des Grecs, mais surtout des Occidentaux, dans la défense de la Grèce. Et voici un document intéressant, c'est une transcription de l'interrogatoire d'un prisonnier grec, à qui l'on pose justement les questions qui brûlent. Quelle est la cause des attaques contre Athènes depuis le début de la rébellion ? Et il répond, Athènes est un lieu ancien. Il est connu à travers le monde entier. C'est le centre de l'administration grecque. Les instructions que nous avons reçues des généraux anglais appelés Cochrane et Church, qui nous soutiennent et nous fournissent beaucoup d'argent et d'équipements, insistent sur la nécessité de maintenir Athènes. On voit que, à un niveau très, très populaire, si vous voulez, les Grecs commencent eux aussi à acquérir cette notion de la défense d'un patrimoine qui symbolise la nation qu'ils sont en train de créer. En sont-ils vraiment conscients? Probablement pas pour la majorité. Il ne faut pas oublier que l'insurrection elle-même, elle a débuté avec des mécontentements contre les autorités locales, des mouvements paysans. Il y a une part commerciale extrêmement importante à la rébellion grecque, puisque les armateurs grecs se sont fait des fortunes pendant la période napoléonienne en transportant des marchandises en mer Égée et en Méditerranée à l'époque du blocus continental, à l'époque où la marine française était complètement bloquée et incapable d'assurer ce qui était une de ses spécialités au XVIIIe siècle. Ce sont les insulaires grecs qui ont assuré une grande partie du commerce et du transport pendant justement ces années troubles de l'Europe. Et après 1815, ils se sont retrouvés tout d'un coup sans le même marché, concurrencés par les Français qui revenaient, par les Anglais qui revenaient. Et par conséquent, eux aussi, il ne faut pas oublier que l'insurrection grecque, elle est en grande partie gérée par des armateurs, par des insulaires qui sont extrêmement mobiles et qui ont des flottes à leur disposition. Donc il y a toutes sortes de raisons pour expliquer l'émergence de l'insurrection grecque, mais quelle qu'elle soit, au fur et à mesure que cette insurrection devenait une guerre d'indépendance, au fur et à mesure que l'Europe s'en mêlait, au fur et à mesure qu'un discours nationaliste, civilisationniste se mêlait de ce combat, elle devenait de plus en plus profondément ancrée dans une idéologie que les gens commençaient à s'approprier, à apprendre, à accepter comme la raison première de cette insurrection. Les Ottomans, eux aussi. Et par conséquent, ceci, les années 1820, indépendamment des vicissitudes, de la destruction des janissaires, etc., le simple fait d'avoir perdu une guerre contre des rebelles Et le simple fait de voir que cette guerre a été perdue parce que cette rébellion était soutenue par l'Europe, par des Européens, par les gouvernements européens, c'est quelque chose qui a profondément marqué l'Empire ottoman et qui les a forcés dorénavant à jouer la carte de la diplomatie avec beaucoup plus de prise de conscience qu'ils ne l'avaient fait jusqu'ici. Et par conséquent, ce traumatisme est un traumatisme que je considère être fondateur d'une nouvelle mentalité, un défi d'un nouvel ordre auquel ils n'avaient jamais été confrontés, et qui, tout d'un coup, les met devant la réalisation de cette difficulté à gérer une diplomatie qui ne se contente pas de simplement dessiner des frontières et de signer des traités, mais qui s'arme d'armes intellectuelles, culturelles, qui parle d'histoire et qui met en avant des monuments, des pierres pour avancer ses arguments. Et ça n'est pas un hasard que, à peine quelques années plus tard, dès les années 1840, confronté de toute façon à cette fin des Occidentaux pour les antiquités qui se trouvent sur les territoires ottomans, les Ottomans eux-mêmes vont se mettre à l'histoire, vont se mettre à l'archéologie. Ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas pousser leur étude très loin, ils vont rester extrêmement superficiels dans leur approche, mais quand même, ils vont réaliser que, en Europe, désormais, les guerres, les rébellions se font non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur le champ intellectuel de la pensée et des arguments, tels les arguments de Husrev Pacha en 1823, où l'on doit défendre la cause non plus par une sorte de revendication du droit de l'épée, mais par une argumentation qui va dans le sens du respect des droits des nations et des sujets. C'est une Europe tout à fait nouvelle, et pour les Ottomans, c'est une découverte extrêmement compliquée, mais à laquelle ils vont s'adapter assez rapidement. À partir des années 1840, ils vont savoir parler l'européen en matière de culture et d'idéologie. Seulement, comme je vous le disais, ce sera pour l'année prochaine. Nous commencerons l'année prochaine avec le massacre des Janissaires. Là, je voulais terminer un peu en beauté avec l'épisode de la guerre d'indépendance grecque et cet élément qui me plaît particulièrement parce que je travaille justement sur des questions d'héritage, de patrimoine, d'archéologie, de muséologie, de collection, et de voir à quel point l'Acropole, le Parthénon deviennent une partie centrale de la discussion des conditions de guerre en 1826 est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui apporte à l'archéologie une dimension qui lui manque en général. Si vous me le permettez, je vais donc dire quelques mots de la journée d'études qui portera, ainsi que je vous le disais, sur la Phénicie, donc le Liban actuel. J'ai une liste déjà de participants qui vous intéressera peut-être. Il y a bien sûr des membres de cette vénérable institution, Pierre Briand du Collège de France, professeur émérite, qui est un grand spécialiste d'Alexandre et qui parlera en particulier du sarcophage dit d'Alexandre qui a été découvert par les Ottomans en 1887 à Sidon. Donc il se penchera sur cet objet et la réception de cet objet. Henri Laurence, qui travaille sur le Moyen-Orient, lui aussi du Collège de France, bien sûr, et qui a beaucoup travaillé sur Renan, fera probablement une présentation qui tournera autour de l'identité de Renan et de sa mission en Phénicie. Il nous parlera peut-être aussi de la question du phénicisme au XXe siècle, c'est-à-dire cet élément idéologique, cette invention de l'identité phénicienne égyptienne comme une identité moderne qui rattachait le Liban blanc à l'Europe, très présente au XXe siècle. Elisabeth Fontan, conservatrice émérite au Louvre, la section, le département des antiquités orientales, va parler de la famille des Durighello. C'est une famille locale, un peu mélangée, qui en gros pratiquait l'archéologie comme on l'a pratiquée à l'époque, c'est-à-dire en pillant les sites et en vendant aux plus offrants les produits de leur pillage, mais deux générations très intéressantes qui ont collaboré avec les plus grands, avec Renan, avec Osman Hamdi Bey, etc., et dont on retrouve les traces dans bien des archives. Enfin, Hélène Lemot et Françoise Briquel-Châtonnet vont nous parler d'un sarcophage aussi, un sarcophage très particulier, le premier sarcophage phénicien à débarquer à Paris, celui d'Ashounazar, qui se trouve au Louvre et qui se trouve être le fils de Tabnit, dont le sarcophage se trouve à Istanbul. Car ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est justement le fait de pouvoir échelonner un peu le Liban, la Turquie et la France, Paris, Istanbul et Saïda, Sidon, dans un réseau extrêmement complexe de spoliation, de restitution, de conservation. Le cas ottoman est toujours intéressant, puisque les Ottomans se sont toujours plaints d'être spoliés par les Occidentaux, et là, en 1887, vous les voyez débarquer avec leurs gros sabots et vider toute une nécropole à Sidon. Évidemment, c'était leur propriété puisque c'était une province ottomane, mais les Libanais aujourd'hui ont, avec raison, des doutes sur la légitimité de la présence de ces 19 ou je ne sais combien de sarcophages au musée d'Istanbul. Donc il y a là une possibilité de discuter de la complexité cette vague des objets au XIXe et au XXe siècle. Et c'est pourquoi j'espère que Bénédicte Savoie, autre professeur au Collège de France, chaire d'histoire des collections, pourra elle aussi participer au débat, parce que j'aimerais bien que le débat puisse déboucher sur quelque chose de plus actuel, c'est-à-dire la question des restitutions et surtout quelque chose qui m'obsède de plus en plus. Est-ce que nous sommes en train de pratiquer un fétichisme de l'authentique et par conséquent en train de passer à côté de possibilités énormes de reproduction, de copie et de diffusion qui auraient plus d'impact peut-être que cette fétichisation de l'unique. Et enfin, il y aura deux Libanais qui participeront à cette journée. Haref Boustani est l'ancien directeur du musée archéologique de Beyrouth et c'est un grand spécialiste justement de l'histoire phénicienne et de l'histoire de la conservation au Liban. Il sera des nôtres. Et surtout, je voudrais souligner la présence de Akram Zaatari, qui est un artiste libanais de Sidon, en plus de Saïda. C'est un artiste d'envergure internationale. Il a des œuvres à la Fondation Louis Vuitton, à MoMA, etc. Et il travaille énormément avec les photographies et avec un travail en quelque sorte d'archéologue, puisqu'il fouille dans des archives photographiques pour essayer de se constituer une base de données à partir de laquelle il élabore des films et des projets visuels. Il s'intéresse en ce moment en particulier à l'histoire du père et du fils, c'est-à-dire d'Ashmounazar à Paris et de Tabnit à Istanbul. Il voudrait les réunir par des moyens justement de copie 3D, etc. Et il nous fera une présentation originale, une contribution artistique sur le sujet des antiquités phéniciennes. Voilà, je m'arrête là et j'en profite pour vous remercier encore une fois de votre fidélité. Ça a été un grand plaisir que de faire ces 9 heures de cours. Je serais resté plus longtemps, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Edem Eldem le 16 février 2018 dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Aujourd'hui, les défis du Nouvel Ordre, partie 2. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale a été publiée sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident » chez Fayard. Un grand merci à Tatiana Leha et aux équipes de l'Institut National de l'Audiovisuel pour la lecture de Victor Hugo. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Edem Eldem a évoqué les travaux de Bénédicte Savoie et la passerelle possible entre leurs différentes approches. Justement, nous retrouverons l'historienne de l'art lundi pour une nouvelle série consacrée à une histoire transnationale des musées en Europe. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.